Le coin des lilas par Jean Rameau. Croyez-vous que les lilas aient une âme ? Anne-Marie s'était amusée à poser cette question, un soir de mai où les lilas de son parc sentaient plus fort et avaient l'air de confier des choses plus tendres au vent, par leurs corolles entr'ouvertes, comme des bouches menues. Une âme, les lilas ? Oh, mademoiselle ! Mais Anne-Marie se permettait d'être un peu païenne sur ce chapitre, et s'il était défendu de croire à l'âme des lilas, elle voulait croire à quelque chose de bon, de mystérieux, de presque intelligent qui émanait d'eux, pendant très peu de jours, quand la floraison venait les épanouir. Une demi-âme, voulez-vous ? D'abord, elle aimait passionnément les lilas. Et comment admettre qu'une chose ait la puissance de se faire aimer sans posséder une sorte d'âme ? Mais il y avait mieux encore. Les lilas semblaient l'aimer. Il devait avoir pour elle une douceur, un charme qu'il n'avait certainement pas pour les autres jeunes filles. Et la preuve en était que les soirs où elle allait passer une heure dans le coin des lilas, au bout du parc, elle se sentait plus heureuse. Elle avait moins de choses tristes dans son âme à elle, comme si les lilas familiers les lui avaient prises tout en la frôlant. Et, des choses tristes, il y en avait dans l'âme d'Anne-Marie. Elle était laide, et quelle femme ne considère pas cela comme une source de chagrin éternel ? Anne-Marie avait deux sœurs plus jeunes. Les deux étaient déjà mariées. Elle, personne ne l'avait demandé en mariage. Pourquoi, sinon à cause de sa laideur ? Quand elle pensait à ces choses, et les moments étaient rares où elle n'y pensait pas, les lilas eux-mêmes avaient bien de la peine à dissiper sa mélancolie. Oui, laide. Si laide qu'on ne lui avait jamais parlé sérieusement d'amour, qu'aucun jeune homme n'avait jamais paru troublé à son approche. Et l'on a beau dédaigner ses vulgaires hommages, il y a des soirs parfumés de lilas surtout, où cette pensée est douloureuse. Alors, pour oublier un peu, Anne-Marie partait vers ses fleurs favorites, pénétrait dans leurs massifs odorants, plongeait son visage dans leurs touffes, les respirait, s'en grisait, se lilanisait, comme d'autres se morphinisent, et au bout de quelques minutes, il lui venait une sorte d'extase, de demi-anesthésie, où elle perdait presque la notion des choses, où elle perdait le souvenir des vieilles peines, où elle n'était qu'une âme entraînée par mille petites âmes printanières, comme une rose emportée par des abeilles. Or, un soir où il faisait plus triste dans son cœur, Anne-Marie s'en alla vers les lilas. C'était la veille de l'Ascension. Les lilas étaient dans toute leur beauté. Ils formaient à l'extrémité du parc un petit bois odorant, aux cimes violettes et mauves, dont tout le vallon se parfumait comme d'une haleine d'amour. Anne-Marie se blottit sous eux, délicieusement, ainsi que dans un refuge. Il faisait déjà sombre. Le crépuscule pâmait les corolles, et c'était exquis de presser ces branches molles qu'on ne voyait pas bien, de sentir sur ses doigts des attouchements vagues qui semblaient autant venir de lèvres que de rameaux. Anne-Marie soupira d'aise. Elle mit des lilas dans ses cheveux et l'en mit à son corsage. Quand une touffe plus aimante se révélait à elle, par un parfum plus fort, elle l'attirait, la pressait puérilement contre sa joue, contre sa bouche. Oh, ce soir, il sentait si bon ces lilas qu'elle aurait voulu leur parler, leur sourire comme à des amis. Et ses bras s'enfonçaient dans leur buisson avec un besoin mystérieux de caresses végétales. Mais, comme elle souriait ainsi à une branche plus belle et lui tendait les mains, Anne-Marie poussa un cri de frayeur. Ce n'était plus un lilas que ses mains avaient touché, c'était d'autres mains, des mains d'hommes, qui se joignaient aux siennes, qui les pressaient. « Ah, qui est là ? Que faites-vous là ?» demanda la jeune fille en reculant. Elle essaya de fuir, mais les mains qui avaient pris les siennes la retenaient doucement, et tout à coup Anne-Marie crut sentir sur elle une caresse légère, un baiser silencieux, qui n'était pas un baiser de fleurs. Alors elle pâlit. « Monsieur, qui êtes-vous ? » balbutia-t-elle révoltée. Elle entendit une voix jeune répondre « Qu'importe, mademoiselle, je suis quelqu'un qui vous trouve belle, bien belle dans vos lilas, et qui n'a pu s'empêcher. Est-ce que vous me pardonnez ? Est-ce que vous me permettrez de revenir ? Oh, je ne voudrais pas vous faire de la peine. Je m'en vais, mademoiselle, puisque je vous fais de la peine. Mais vous reviendrez, n'est-ce pas ? Je vous reverrai. Daignez me dire que je vous reverrai. » Anne-Marie n'écoutait plus. Elle était partie dès que les mains de ce jeune homme avaient laissé les siennes. Elle était sortie du coin des lilas en courant et avait pris la direction de la maison. Elle y arriva, tout essoufflée, monta dans sa chambre et prenant sa tête entre ses mains, elle murmura. « Mon Dieu, quelle aventure ! Qu'est-ce que ce jeune homme m'a dit ? et elle resta là, longtemps, pensive, dans l'ombre tiède, en sentant parfois un arôme de lilas entrer par la fenêtre, comme un aveu d'amour. Anne-Marie n'alla plus au coin des lilas. Elle craignait d'y retrouver ce jeune homme. Ne lui avait-il pas laissé entendre qu'il y serait, puisqu'il l'avait prié d'y revenir? Non, elle ne pouvait plus aller respirer l'âme de ses fleurs au crépuscule, et c'était fort triste. Ah, l'ennuyeux jeune homme! Mais qui était-ce donc? Il faisait trop noir, quand Anne-Marie l'avait trouvé sous ce massif, pour voir distinctement son visage. Mais il lui avait semblé qu'il était blond, qu'il avait une physionomie agréable, des yeux fort doux. Elle ne connaissait personne qui lui ressemblât au pays. Était-ce donc un étranger? Quelque touriste audacieux qui avait pénétré dans le parc, attiré par les lilas, et s'était amusé à dire des choses tendres, des choses folles, à une pauvre jeune fille dont il ne savait même pas le nom? Quelqu'un qui vous trouve belle, mademoiselle, bien belle dans vos lilas. Il avait dit cela. Oh, elle s'en souvenait bien. Le son de ses paroles était encore un peu dans ses oreilles, et son cœur en semblait tout ému. S'il avait dit vrai, si réellement il l'avait trouvée belle. Il avait eu pour dire cela une voix pure, une voix qui n'avait pas l'air de mentir. « Françoise, allez me couper une botte de lilas, » ordonna-t-elle le lendemain soir, à l'heure où elle respirait ordinairement le parfum de ses fleurs préférées. Quand la femme de chambre fut revenue, sa maîtresse lui demanda d'une voix qui tremblait un peu. « N'avez-vous rencontré personne, Françoise ?»« Non, mademoiselle. » Anne-Marie baissa la tête. Le jour suivant, à la même heure, elle pria sa femme de chambre d'aller lui chercher une autre botte de lilas, une grande botte, tant qu'elle en pourrait porter. « Oh, mademoiselle, » confia Françoise quand elle fut revenue, « j'ai eu joliment peur. Pourquoi donc ? Il y avait un jeune homme caché sous les lilas. Vraiment ? Qui ? Je n'ai pas pu le reconnaître. Quelqu'un qui n'est pas du pays, bien sûr. » Le troisième jour, en rapportant sa nouvelle botte de lilas, Françoise dit, « Je l'ai revu, mademoiselle, et je sais qui c'est. » « Ah, c'est ce jeune docteur de Paris qui est venu passer quelques jours chez le notaire. Il paraît qu'il s'en va demain. » « Demain ? Qui vous a dit ? Le petit clerc, il doit partir demain soir par le train de nuit. Ce n'est pas trop tôt. Je suis sûr qu'il abîmait vos lilas, ce Parisien. » Anne-Marie n'écoutait plus Françoise. Il allait donc quitter le pays, ce jeune homme qu'il avait trouvé belle un soir. Le lendemain, elle regarda longtemps de sa fenêtre le coin des lilas, ce petit bois d'un violet pâle, d'un mauve rose qui était là-bas, au bout du parc. Oh, y revenir, voir s'il y était encore. Il devait y être, puisqu'il y était les autres jours. Il devait l'y attendre, et pour persister ainsi vraiment, il devait avoir un coin de cœur bien disposé pour elle. Mais Anne-Marie ne pouvait pas revenir au lilas, puisque ce jeune homme lui avait dit qu'il y serait. Ah, le maladroit! Pourquoi dire des choses comme cela? Françoise, allez encore me chercher des lilas, ordonna-t-elle ce dernier jour avec tristesse, un peu avant le coucher du soleil. Plusieurs bottes de lilas, tout ce que vous pourrez cueillir. « Allez-y avec le jardinier pour m'en apporter davantage. » Un quart d'heure après, la chambre d'Anne-Marie était pleine de lilas. Le jardinier en avait apporté de grandes corbeilles. Anne-Marie remercia ses gens et les pria de la laisser seule. Alors elle mit des lilas dans ses cheveux, comme l'autre soir. Elle en mit sur son corsage, en fixa des bouquets sur sa robe. Elle couvrit sa chaise longue de ceux qui restèrent, puis elle s'étendit dessus et ferma les yeux. Oh, ce soir, sûrement, ils avaient une demi-âme, comme ils embaumaient, comme ils lui disaient des choses mélancoliques, avec leurs menues corolles qui semblaient des bouches en pamoison. « Il s'en va donc ?» lui murmurait-il. « Tu ne le verras plus, le seul homme qui t'ait trouvé belle, qui t'aurait aimé, peut-être. » La porte était fermée, la fenêtre était fermée, le parfum des lilas saturait l'air, et Anne-Marie éprouva une griserie plus intense que de coutume. Ses paupières s'alourdirent, son cerveau s'enténébra, son âme dut s'en aller un peu plus haut, sur toutes ces âmes printanières, qui l'emportaient comme des abeilles entraînant une rose. Au crépuscule, quand Françoise vint prévenir mademoiselle qu'on était à table, elle la trouva évanouie. « Ah, mon Dieu, ouvrez la fenêtre, aérez, un médecin, vite !» Ses cris firent gémir les échos de la vieille maison. Quelques minutes après, Anne-Marie rouvrit les yeux et crut vivre un rêve. Il était là, le jeune inconnu de l'autre soir, là, tout près d'elle. Il lui souriait. Il lui tenait de nouveau la main. Le médecin de la famille était absent. On est allé chercher le plus proche. et on n'avait pu trouver que ce jeune docteur de Paris en villégiature chez le notaire. Anne-Marie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Oh, pas de lampe !» aurait-elle voulu dire à Françoise qui apportait de la lumière. Elle craignait qu'il ne la trouve à l'aide, s'il la voyait trop distinctement. Et son visage, rouge de confusion, essaya de se blottir sous les derniers lilas. Mais le jeune médecin les enlevait. « Quelle idée, mademoiselle » gronda-t-il d'une voix tendre. « Vous auriez pu vous asphyxier. Vous aimez donc beaucoup ces fleurs ?»« Oh oui !» balbutia la jeune fille en tenant ses yeux clos. « Moi aussi je les aime, » dit-il plus bas. « Mais ce n'est pas une raison pour commettre de telles imprudences. » Et profitant d'une minute où on l'avait laissé seul avec elle, il demanda « Est-ce que vous me reconnaissez, mademoiselle ?» Dans un souffle, elle répondit « Oui, allez-vous-en. »« Je veux bien, mais à une condition, c'est que vous me permettrez de venir revoir vos lilas l'année prochaine. » Anne-Marie soupira, ses yeux se rouvrirent. Pendant 2 secondes, ils restèrent fixés sur ceux du jeune homme. Oh, il semblait bon, les yeux de ce jeune homme, bon et loyaux. Il semblait la trouver belle encore, quoique les lampes fussent allumées. Elle tendit vers lui sa main tremblante. « À l'année prochaine, » dit-elle dans un sourire, qui lui apportait le remerciement de son cœur. 2 heures après, il avait repris le train de Paris. Reviendra-t-il l'année prochaine? C'est si long, une année. Et tant de promesses ont le temps de tomber, comme des pétales de lilas défleuris. Mais qu'importe, Anne-Marie? Un soir, 2 soirs, on la trouvait belle. C'est assez pour certaines. Depuis lors, elle ne doute plus que Lila est une âme très belle, très pure, toute conquérante, qu'il prête parfois à ceux qui les aiment bien. C'était Le coin des lilas par Jean Rameau.